ciels zébrés, de mélancolie, l'amertume s'écrit sur mon visage. Dans le grand encrier de l'ennui, je tente une échappée vers d'autres rivages. Mais chaque jour s'insinue peu à peu, comme un graffiti au cœur d'une chapelle. Entouré de lettres forgées de feu, ce déchirement qui paraît éternel. Quand arrivent les papillons noirs qui survolent le champ obscur de ma mémoire, l'éphémère battement d'ailes du bonheur se distille plus vite que la douleur. Quand le cloporte de la miséricorde se déguise en de fausses illusions et me vante à bas prix une corde pour y pendre le fantôme des passions, aux branches de l'art des agonisants, où nombre d'âmes ont perdu la raison. Sous un tapis de brume qui hante les sentiments et de sa faux commence la moisson. Quand arrivent les papillons noirs qui survolent les champs obscurs de ma mémoire, l'éphémère battement d'ailes du bonheur se distille plus vite que la douleur. Grincement de grillons, vibrations rouillées d'un cimetière ou des balles assemblées de quelques vieux corbeaux au visage fatigué sous l'utopique lumière d'un néon déglingué. Je deviens le reflet vaporeux au milieu du brouillard, on n'y voit que leur jeu. Dans le marbre refroidi de mes pensées nocturnes, une chauve-souris s'envole repue de pleine lune. Quand arrivent les papillons noirs qui survolent le champ obscur de ma mémoire, l'éphémère battement d'ailes du bonheur se distille plus vite que la douleur. L'horreur qui perce les feuilles de l'horizon, de sa clarté déchire la pénombre et mon esprit retourne à sa déraison. Je rêve tranquille dans mes catacombes.